Toussaint est né sur l'habitation Bréda, appartenant à la famille de Noé. Il a poussé là comme une petite herbe folle, une petite herbe sauvage. Il paraît qu'il était chétif, malingre, et qu'à cause de ça, on l'appelait Fatrabaton. Et puis après, il a tellement endurci son corps, en courant, en montant à cheval à poil, il ne mettait jamais le sel sur ses chevaux, qu'il s'est endurci, il est devenu assez fort. Et à ce moment-là, on lui a donné son second surnom, le centaure de la savane, parce qu'il galopait à perdre haleine, partout dans tous les coins. Et il se faisait remarquer, et les autres esclaves étaient comme envoûtés par lui, parce que, paraît-il, il avait une puissance magique dans son regard. Et c'est ainsi qu'il s'est fait remarquer par l'intendant Bayan de Liberta, qui l'a pris sous son aile, qui lui a confié les chevaux. Il a commencé à paraître cocher. Et après, il est devenu vraiment le bras droit de Bayan de Liberta. Donc ce n'était pas étonnant de voir qu'après quelques années, ils aient pensé à affranchir tout ça. Parce que je crois que l'être humain qui était derrière ce petit homme malingre était fascinant, que les gens ne résistaient pas beaucoup à ça.